Si vous avez eu des problèmes, écoutez encore la dernière section. Mais si vous n'avez pas eu de problème, continuez la conversation à la librairie. Écoutez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Monsieur n'a pas son portefeuille. Son portefeuille? Oui, avec son passeport, son argent et ses cartes de crédit. Oh!